Big Flo et Oli. C'est pas du rap, non? Yeah. Ok. J'écris des lignes pour celles qui m'entraînent, une belle fille. Rester au show et faire applaudir, mais quelle vie. Les biographes, toujours plus loin dans le défis. Du bout des lèvres, c'est avec elle que je me délivre. Et nos moments ensemble sont toujours trop courts. Fou, quand on se trouve, je parcours toutes ces courbes. Elle dit qu'elle m'aime, ouais. Et que je serai jamais célibataire. Elle est calme, et d'un coup gueule, sale caractère. Et bizarre, elle chante et râle comme une diva. Elle a toujours de bons tuyaux bronzés, car tous les visas débiles. Je prends des risques, ouais, divin et le débit. Je la traîne dans son étui. Dès qu'elle dérive, les dansants, et dans mon flow elle se glisse. Cette grande dame de Louis ou de Miles Davis. Si je souffle, je me découvre à chaque virage. Ces dansants reflets louches que j'ai vu mon vrai visage. À manque d'air, au plus profond d'elle, je respire. Plus fort pour Chet Baker, mais quelle perspective. Regarde-moi dans l'embouchure, t'aperçois même ma dentition. Le groove se trouve pas dans toutes leurs partitions. Elle se met à nu si je suis pudique. Sous la lumière du projecteur, elle prend le visage du public. Une fille en or, dans deux cuivres, dans une relation durable. Elle a beaucoup changé depuis que je présentais le rap. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, on m'a dit beat, flow. Laisse tomber ton boss, ce mec est idiot. Il aura pas son bac, il pense qu'on mit. Ça serait vraiment dommage que tu traînes avec ce naze et que tu finisses au bis. Trop, mais c'est mon pote, je le quitte. Quelque chose à dire, les gens nous regardent mal quand je traîne avec lui en ville. C'est vrai qu'il râle, qu'il est toujours en train de se plaindre. Qu'il parle souvent de balles, de flingues et de gros cylindres. Qu'il est égocentrique, pas toujours authentique, plein de défauts. Mais quand il est pas là, je me sens triste, parano. Mon pote est impossible à berner. Il voit être, il voit où mon pote est dur à cerner. Car au fond, il a un grand cœur, il est sensible. Il dit qu'il n'a pas peur, mon pote est un menteur. Il m'a redonné ma confiance en moi, vider mon sac, chasser le mal, ouvrir ses bras quand ça va pas, c'est plus que je vois. Et c'est plutôt drôle, oui, c'est plus qu'un ami, c'est un psychologue. C'est vrai qu'il a changé depuis quelques temps. Ses anciens potes me racontent qu'il était mieux avant. Il a souvent dérapé, parfois il m'énerve. Mais je n'oublie pas que c'est grâce à lui que je rêve. Il a donné un sens à ma vie, un but à mes phrases. Pareil que son cousin c'est le jazz. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, c'est de la musique.